Spleen. Je suis comme le roi d'un pays pluvieux, riche, mais impuissant, jeune et pourtant très vieux, qui, de ses précepteurs méprisant les courbettes, s'ennuie, avec ses chiens comme avec d'autres bêtes. Rien ne peut l'égayer, ni gibier, ni faucon, ni son peuple mourant en face du balcon. Du bouffon favori, la grotesque balade ne distrait plus le front de ce cruel malade. Son lit, fleur de lysée, se transforme en tombeau. Et les dames d'atour, pour qui tout prince est beau, ne savent plus trouver d'impudiques toilettes pour tirer un sourire de ce jeune squelette. Le savant, qui lui fait de l'or, n'a jamais pu de son être extirper l'élément corrompu. Et dans ces bains de sang qui des Romains nous viennent, et dont, sur leurs vieux jours, les puissants se souviennent, il n'a su réchauffer ce cadavre hébété, où coule, au lieu de sang, l'eau verte du laiter.